Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Louise Didier. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. Avant de commencer, je suis fier de vous dire et de vous redire qu'en 2021, le podcast 2030 Glorieuse continue à pousser plus loin la cohérence de sa démarche grâce à ce partenariat qui a été noué avec la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est donc un partenariat qui, moi, me permettra de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler de ton métier, Louise, ton métier de formatrice en animation et outillage de projets coopératifs. On s'est d'ailleurs rencontrés autour de ce sujet puisque j'ai participé l'année dernière à une formation de 3 mois environ que tu co-animais sur ce sujet. C'est une formation passionnante qui s'appelle AnimaCop qui m'a donné envie de t'inviter dans ce podcast. Voilà, c'est fait. Pour commencer cet échange, Louise, je pose à chaque fois la même question. Si tu es dans une soirée et que tu rencontre quelqu'un pour la première fois, cette personne te demandera « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu lui réponds ?» Alors, je lui réponds avec un peu de malice que je suis quincaillère parce que j'ai dû inventer finalement, me construire le métier que je fais aujourd'hui. Et je trouvais ça pas très rigolo juste de dire formatrice, accompagnatrice. Donc, je commence souvent par dire que je suis quincaillère. C'est le métier que faisaient mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et qui touchait déjà à l'outillage et au bricolage, voilà, qui est pas tout à fait le même outillage et le même bricolage que je fais moi aujourd'hui, mais ça me faisait plaisir de faire ce clin d'œil là à mes ancêtres. Donc je commence par dire que je suis quincaillère et que j'accompagne des collectifs à trouver les outils pour fonctionner ensemble. Moi je le résume en te disant formatrice en coopération, et donc du coup c'est comment on travaille ensemble et grâce à quoi on travaille ensemble. Hein. Oui, c'est comment on travaille ensemble. Alors, on se focalise souvent sur les outils, que ce soit les outils d'animation ou même les outils numériques, puisqu'on en vient aussi à fonctionner ensemble à distance. Mais ce qui semble essentiel, c'est aussi les questions d'intelligence collective, de dynamique de groupe, de relations interpersonnelles, de relations de pouvoir. Donc, c'est tout ça aussi qu'on vient chatouiller. Quand on travaille ces questions de projets collaboratifs. En fait, comme je le disais au tout début de cet échange, j'ai eu la chance de participer à cette formation AnimaCop sur la coopération qui m'a été proposée par Jeff et Romain, que je salue, des écolo-humanistes qui font un super travail à Lyon et qui me disaient « Mais tu vas voir, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. » Et c'est vrai que bon, bah voilà, travailler ensemble, on l'a déjà un peu toutes et tous fait. C'est en général d'ailleurs ce qui suscite à la fois le plus de bonheur, le plus de plaisir et le plus de frustration, mais on se rend compte, et moi en tout cas je me suis rendu compte en participant à cette formation, que jamais vraiment de manière explicite j'avais été formé à la coopération, alors que pourtant en fait ça devrait presque être évident. Formatrice en coopération, c'est un métier unique, non ? Oui, alors heureusement, effectivement, on l'a toutes et tous déjà fait et on a un instinct pour ça. Et voilà, il y a des gens plus ou moins pour qui c'est plus ou moins inné, mais effectivement, on fonctionne tous en groupe régulièrement. Et en même temps, on vit dans une société et on a souvent été élevé dans un monde plutôt de la compétition. On nous a appris à l'école à cacher notre copie, à être le premier de la classe, etc. Donc il y a des choses à réapprendre. Et puis une prise de recul à faire aussi quand on fonctionne régulièrement en collectif et qu'on le fait instinctivement pour se regarder fonctionner et regarder notre posture et notre relation aux autres. Donc il y a plein de choses à apprendre effectivement. Mais justement, tu le dis, dans cette société de la compétition, comment on en vient, comme toi, à prendre ce parcours qui est à l'opposé? C'est un contre-pied fantastique. Comment tu t'es dit, ben non, moi, en fait, la compétition, c'est mort, c'est pas pour moi, je veux faire l'inverse. C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton déclic? Alors, mon déclic, je crois que c'est en prépa. Je me suis retrouvée en prépa d'économie parce que, voilà, après un bac en économie, prépa d'économie. Et là je rencontre d'autres étudiants qui me disent mais de toute façon dans le monde soit on bouffe les autres soit on se fait bouffer et donc je veux être du bon côté. Là déjà je me suis dit oulala, il y a un truc qui me convient pas, c'est pas ma manière de voir le monde. Et donc en fait ça a été un switch et c'est à ce moment là que j'ai choisi de finalement pas aller en école de commerce et plutôt d'aller à Sciences Po. Et à Sciences Po, à nouveau, j'avais ce bagage plutôt économie, donc je restais dans cette filière-là. Mais j'ai choisi un master en économie sociale et solidaire en me disant qu'en y accolant ces mots-là, peut-être que je retrouverais un peu d'équilibre et un peu d'éthique. Donc c'est ça qui m'a amenée au monde associatif. Et à ces questions autour du collectif et du travail en groupe. Mais donc du coup, tu te retrouves dans les associations qui sont effectivement en général vues comme des endroits à fort potentiel de coopération, de travail collaboratif, et pour l'avoir vécu, qui sont en fait souvent presque même à l'inverse, ou en tout cas les attentes qu'on y met se retrouvent très souvent déçues parce que il y a aussi le piège du fondateur qui domine et qui décide et qui cumule tous les pouvoirs. Il y a l'impression parfois d'avoir un peu toutes et tous une intuition partagée qui en fait se confirme pas du tout. Il y a le stress de production, le stress de devoir rendre des comptes, le stress d'être avec des publics parfois difficiles qui font que travailler en équipe c'est encore plus complexe. Comment du coup toi tu arrives dans les associations et comment surtout tu te formes à travailler mieux ensemble? J'arrive dans les associations avec le constat que tu viens de dresser, hein, c'est-à-dire qu'effectivement j'arrive dans des assos assez militantes où il y a des gens bien plus âgés que moi qui ont le projet bien en main et une idée très claire de ce qu'ils veulent faire et pas forcément envie de partager le pouvoir, pas forcément envie de questionner leur manière de faire. Donc effectivement, tout n'est pas rose dans ce monde-là et il y a tout un tas d'intentions autour des gouvernances partagées, du collaboratif qui sont qui restent en fait lettre morte. Donc je crois que j'ai d'abord observé ça, pris ce qu'il y avait d'intéressant quand même de ces pratiques là et puis je me suis formée quand j'ai rencontré cette formation Animacop et cette association Outils Réseau, puisque cette formation Animacop elle existe déjà depuis une quinzaine d'années et elle a essaimé dans différentes villes. Donc j'ai pu me former avec des gens passionnants qui m'ont permis d'observer ces fonctionnements et ces postures et de me questionner aussi sur comment moi je me plaçais dans un groupe et ce que j'aimais faire et là où j'étais meilleure et moins bonne, etc. Oui, c'est vraiment cette rencontre avec Outils Réseau et Animacop qui m'a permis de prendre ce recul et ensuite de devenir moi-même formatrice. Parce que pour aller un peu plus loin même dans ma critique du milieu associatif et notamment écolo, après 4-5 ans à naviguer en eau plus que trouble, je me rends compte à quel point on a sans doute... l'enjeu, et peut-être même que c'est le plus grand enjeu de notre mouvement écolo, climat, enfin protection du vivant, on l'appelle comme on veut, c'est celui d'arriver à travailler ensemble. Je constate à quel point on est prompt dans notre milieu à se batailler sur les 1% qui nous divisent plutôt qu'à se rassembler sur les 99% qui nous rassemblent, et même derrière à être vraiment... souvent dans le fond, mais pas dans la forme, et donc pas dans le travail ensemble, pas dans le faire ensemble. Est-ce que tu le constates? Est-ce que tu l'as vu avec ton expérience? Oui, je crois qu'on retrouve en fait l'esprit de compétition dont on parlait tout à l'heure et l'environnement dans lequel on baigne, c'est-à-dire qu'on reste dans cette société qui nous met en concurrence. Donc les assos ont beau avoir une intention tout à fait louable, elles sont côte à côte et elles sont dans un univers qui les met en concurrence, que ce soit pour les financements ou pour la communication et essayer de capter un maximum de public pour se différencier les unes des autres, etc. Et c'est très dur de sortir de ce paradigme-là et de vraiment se mettre en réseau. Et ça demande de la résistance. Donc c'est vrai que c'est une vigilance permanente de la part des structures et de la part des individus aussi qui doivent prendre conscience de ça et apprendre à coopérer. Je crois que c'est un subtil mélange entre des postures individuelles et des postures collectives et des intentions de ces associations. Donc, un gros travail. C'est pas irréversible, ça se soigne. Je crois. En tout cas, il y a des réseaux qui arrivent, qui tentent des choses, qui progressent vers ces notions de coopération. Moi, j'y crois. Est-ce que tu as des exemples à nous partager d'accompagnement à la coopération que tu as réalisé et qui ont changé la donne? Ou est-ce que tu as vu des grosses associations qui se sont mises à la coopération ces dernières années et qui ont vraiment réussi à intégrer ces pratiques? Alors, je crois que ça se fait par des petits pas et que ça se fait à différents niveaux. J'ai vu, par exemple, des associations se poser la question de la propriété intellectuelle et de à qui appartient ce qu'on produit ensemble. Est-ce que ça ne m'appartient qu'à moi en tant qu'individu? Est-ce que ça n'appartient qu'à ma structure? Et qu'est-ce qui se passe si d'autres l'utilisent? Et ça, c'est souvent une porte d'entrée très concrète pour voir jusqu'où est-ce qu'on est prêt à coopérer? Est-ce qu'on est dans une coopération ouverte, fermée? Quelle est la membrane qu'on se donne pour partager? Donc oui, ça, j'ai constaté des collectifs qui acceptaient de faire bouger cette frontière-là et notamment de passer leur contenu produit dans des licences de partage type Creative Commons. Et je pense que ça, c'est des choses très, très concrètes qui permettent d'aller plus loin parce que non seulement ça permet la réutilisation des contenus par d'autres, mais aussi, je pense que ça change assez finement des postures au moment où on travaille, au moment où on produit quelque chose. C'est-à-dire qu'on le fait plus seulement pour soi ou pour sa structure au moment où on le produit, mais on sait que ça va essaimer et que ça va pouvoir être réutilisé par d'autres. Donc c'est assez flatteur aussi, de sentir qu'on n'a plus besoin de recommencer de zéro quand on se penche sur un sujet et qu'on va pouvoir s'appuyer sur les productions des uns et des autres. Donc pour moi, ça, c'est un levier très, très fort qu'on peut observer dans les associations qui, souvent, ne se posent pas cette question-là. On n'a d'abord pas conscience qu'elles produisent des richesses, parce qu'il y a parfois une humilité un peu excessive dans le monde associatif. Donc voilà, on n'a pas toujours conscience qu'on produit des choses précieuses. Et ensuite, pas toujours cette question de à qui ça appartient et comment est-ce que je le partage. On a trop tendance à penser que le mettre sur Internet suffit à partager, mais il est bon de préciser quand même ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. Ça, ça me semble un point important et j'ai vu plusieurs associations passer ce cap-là avec succès et je pense que c'est super important. Et contre-intuitivement, moi j'ai l'impression que les entreprises ont bien mieux compris l'importance de coopérer entre elles que les associations. Est-ce que je me trompe? Alors je connais moins bien le monde des entreprises. Je pense que les entreprises sont elles très claires sur ce qu'elles peuvent partager, pas partager et jusqu'où va la collaboration et dans quel objectif elles le font. Pour les associations, disons qu'il y a une tendance naturelle à la mise en réseau. Et en même temps, je pense qu'on est aussi avec des structures qui sont souvent débordées, tout simplement, qui manquent de ressources pour gérer à la fois leurs activités et le travail de mise en réseau, parce que ça prend du temps de faire ensemble, et en interne et avec d'autres. Ça demande d'apprendre à se connaître, ça demande de clarifier les conditions de partage. Donc, J'aurais du mal à comparer ce monde des entreprises avec celui des associations sur cette question de la coopération. Je crois que l'intention n'est pas tout à fait la même, en tout cas. Si je te pose cette question, Louis, c'est parce que j'ai en tête, par exemple, ces grandes rues un peu dans toutes les villes où tu as même ces avenues où tu as tous les concessionnaires auto, moto, les uns à côté des autres, qui ont compris que, en fait, le fait de se rassembler allait leur donner plus de possibilités de faire du business. Je pense aussi à ces groupes de lobbying qui permettent de soutenir, développer et lutter pour préserver, je pense, par exemple, encore une fois, au milieu de l'automobile, mais aussi de la viande, par exemple, qui est très, très affirmé et très présent. Mais je pense aussi à ces groupes informels où tu as tous ces grands patrons qui se retrouvent, pas tout le temps de manière obscure et mal intentionnée, comme on peut l'imaginer, mais qui, en fait, se retrouvent, je pense, par exemple, à tous les CJD en France, le Conseil des jeunes dirigeants, où les gens se rencontrent, échangent, se forment, partagent. Et en fait, je le vois beaucoup moins dans le milieu associatif, même si c'est sûr que ces dernières années, ça a tendance à monter. Voilà ce que j'avais en tête. Oui, alors je pense que le monde des entreprises est aussi très fort pour repérer ce qui fonctionne et fait gagner en efficacité et en productivité. Et que le monde associatif a cette faiblesse de manquer de compétences à la fois en commercial et en communication. Alors, c'est un dilemme très fort, hein, parce qu'on a vu aussi des assos s'institutionnaliser et recruter des gens capables de monter des dossiers à n'en plus finir pour rechercher des subventions et en perdre un petit peu le sens. Donc, c'est difficile pour les associations de trouver cet équilibre entre comprendre ce fonctionnement commercial et savoir jouer avec, et en même temps ne pas s'y perdre. Donc je pense qu'il y a toujours cette réticence à la fois aller creuser ces règles du jeu qui nous entourent et jouer avec, et en même temps résister. Je trouve ça difficile de s'inspirer de ce monde capitaliste et en même temps de lutter contre. C'est toute la difficulté d'inventer une autre manière de faire. Ouais, c'est une ligne de crête intéressante, mais je trouve que effectivement de temps en temps, il faut pas hésiter à copier ce qui fonctionne bien dans un milieu contre lequel contre lesquels on lutte, mais qu'on a envie de dépasser, de sublimer et auquel on a envie de proposer des alternatives. Dernière question, Louise. Est-ce que toi, du coup, on a parlé des entreprises, on a parlé des associations, est-ce que tu sens aussi du côté des Français cette envie de collaborer de plus en plus forte? Et si oui, est-ce que tu peux nous citer, notamment en parlant des communs et qui offrent tout un tas d'outils de formation gratuite, des moyens très concrets pour se former dès aujourd'hui à la coopération? Ce que je sens au niveau des Français, je ne sais pas si je suis légitime pour le dire. Moi, je pense qu'on a toutes et tous du plaisir à faire ensemble et que de toute façon, c'est plus agréable et plus valorisant et on va plus loin en faisant à plusieurs. Donc oui, si pour reprendre ta première question, si je me retrouve en soirée et que je décris mon métier, en général, les gens ont envie de ça et me racontent ce qui se passe dans leur équipe, plus ou moins bien, mais en tout cas, ils trouvent du plaisir à être à plusieurs. Donc je pense qu'il y a, il y a forcément cette tendance à aller vers ça. Et que se former à ça, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être cette formation Animacop qui est assez complète, mais qui demande du temps. Ça peut être des formations autour de la gouvernance partagée. Il y a plein de manières d'entrer dans cette question-là. Ça peut être un angle aussi plus personnel autour de la communication non violente, par exemple. Donc il y a à mettre le curseur entre une envie plutôt individuelle et personnelle ou une démarche plus collective. Et puis, on voit beaucoup en ce moment aussi des demandes qui rentrent par la porte de l'informatique et du numérique, qui nous demandent comment est-ce qu'on fait pour continuer à coopérer à distance. Et donc ça, je trouve que c'est à nous, formateurs, formatrices, d'être un peu malins sur le fait d'effectivement apporter des outils techniques et en même temps en profiter pour glisser des choses autour de l'animation et du fonctionnement de groupe, parce que l'outil fonctionne jamais tout seul et il permet jamais de collaborer juste en cliquant au bon endroit. À la fois heureusement qu'il y a besoin de regarder un peu le fonctionnement des groupes. L'outil ne se suffit pas à lui-même et je trouve que là, avec cette crise qu'on traverse, les gens sont contraints de se poser ces questions-là. Donc, c'est à nous de les amener vers ces questions plus profondes du collaboratif. Super, c'était vraiment passionnant cette première partie. Au passage, je me permets de citer, tu parlais de gouvernance partagée, il y a les Colibris qui ont fait un MOOC sur ce sujet. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis librement à disposition par l'université du Nou, je pense à ça. Il y a les infographies des écolos humanistes qui abordent un peu ces questions de coopération aussi. Bon, voilà, il y a plein d'outils et effectivement, le must pour l'avoir vécu, c'est la formation AnimaCop. Il y en a partout en France et ça vaut le coup d'aller faire un tour à minima sur le site pour voir à quoi ça ressemble. On ferme cette première partie, Louise, sur merci. Et avant de voyager vers les utopies réalistes, on va partir ensemble en 2030 glorieuse, comme d'habitude. Je souhaite qu'on termine par un cadeau que tu vas nous faire. À chaque fois, je demande à l'invité de venir avec une parenthèse d'inspiration qu'on retrouve dans la littérature, dans toutes les bibliothèques de France, dans nos librairies, dans nos étagères. On a tout un tas de livres qui sont autant de pistes qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain, alors que parfois ce sont des romans qui ont été écrits il y a plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Et donc du coup, toi, tu arrives avec un cadeau que tu veux nous faire et une utopie qui t'a particulièrement marqué. Laquelle est-ce ? Alors, c'est une nouvelle un peu ironique et cynique, pour mettre un peu d'humour. C'est dans le Petit traité de Mrosek illustré, de Sławomir Mrosek, un auteur polonais, et c'est une nouvelle qui s'appelle Le huitième jour. Huitième jour. Dieu travailla pendant six jours et se reposa pendant le septième. L'homme, de son côté, n'est pas Dieu, il se fatigue plus vite. Il décréta donc que le samedi lui revenait comme jour de repos supplémentaire. Cette décision ne se heurta pas à une opposition catégorique de la part de l'instance supérieure. Si on a réussi avec le samedi, peut-être que ça marchera aussi pour le vendredi, me dis-je, et j'adressai à Dieu une supplique ainsi formulée. Suite à la fatigue que je ressens après le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je sollicite de votre bienveillance l'octroi du vendredi également comme journée libre. Homo sapiens. Il n'y eut pas de réponse. J'en conclus donc que l'on m'avait ainsi accordé le vendredi. Pourtant, entre le mercredi et le reste de la semaine, il y avait toujours ce malencontreux jeudi. Il n'y a rien de plus fatigant que de travailler pendant le dernier jour de la semaine ouvrable. J'écrivis donc cette fois avec plus d'audace. L'homme est un roseau pensant, Blaise Pascal, 1623-1662. Je pense que le jeudi non plus, je ne suis pas obligé de travailler. Je terminais dorénavant mon travail le mercredi après-midi. Oui, mais ce mercredi, le silence de Dieu me donnait du cœur au ventre. J'exigeais l'abolition du mercredi comme jour de travail, Prométhée. Pour la question du mardi, je me révoltais ouvertement. L'homme, quelle fière appellation, Maxime Gorki, 1868-1936. Le mardi offense ma dignité, je refuse tout net et je terminerai le lundi. Il n'y eut pas de réponse. Le problème du lundi fut donc réglé comme du papier à musique. J'envoyai simplement ce télégramme, lundi exclu également. Maintenant, j'étais libre pendant les 7 jours de la semaine et je n'étais pas peu fière de ma révolte. Et je me rendis compte au bout d'un certain temps que la semaine n'avait que 7 jours et que par conséquent, je ne pouvais pas bénéficier de plus de 7 jours libres par semaine. Imposer une telle limite à ma liberté me semblait inadmissible. Je télégraphiai donc à Dieu. Il faut créer immédiatement un huitième jour. Il ne répondit pas, ce qui, en dernier ressort, me confirma dans ma conviction que Nietzsche avait raison, Friedrich Nietzsche 1844-1900, Dieu n'existe pas. Mais dans ce cas, qui est responsable du fait que la semaine n'a que 7 jours et que je ne peux guère bénéficier de plus de 7 jours libres par semaine ? Je pris une matraque et m'embusquai dans les marches de l'escalier. Quand mon voisin passera, je lui fanquerai une bonne rossée. Il faut quand même bien que quelqu'un soit responsable de mon préjudice. Mmh. Merci Louise. Pourquoi cette sélection ? Je trouve ça intéressant de questionner notre rapport au travail et notre rapport au temps et de combien on veut travailler, quel temps on veut accorder à faire quoi et qu'est-ce qu'on fait de cette liberté. Voilà, est-ce qu'on en veut toujours plus ? Est-ce qu'on veut toujours plus de temps libre, toujours plus de travail, toujours plus d'argent ? Voilà, c'est ça que ça venait questionner pour moi et avec un humour voilà, qui m'a plu. Eh ben allons-y Louise, parce qu'effectivement je savais qu'en parlant de coopération, on parlerait des communs, on parlerait de notre relation au travail et de notre relation au temps. Nous sommes, ça y est, tu ne t'en es pas rendu compte, mais pendant que tu lisais, ta chaise a légèrement vibré et nous avons voyagé ensemble en 2030 glorieuse. Donc nous sommes dans 10 ans, nous allons parler au présent d'une période qui est donc dans 10 ans des 2020 dans lesquels on était encore situé il y a quelques secondes. Et en 2030 glorieuse, figure-toi qu'on a réussi. Alors tout n'est pas fantastique, extraordinaire, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a quand même réussi à engager notre société vers ce mode de vie plus durable, plus solidaire, auquel on va essayer ensemble de donner des contours. Du coup, pas de problème, laissons libre cours à ce bisounours qui est en nous, à cet optimisme qu'on a tendance à rabattre, à enfermer et voilà, on joue de jeu, on va voir, on a 15-20 minutes ensemble, on verra bien ce que ça donne. Donc là, on va devoir quand même beaucoup commenter, illustrer à quoi ressemblent ces 2030 glorieuses pour les gens qui nous écoutent. Et ma première question, c'est si tu réouvrais les yeux maintenant que tu es dans ces utopies réalistes concrètes, qu'est-ce que tu verrais ? Je vois des gens qui ne subissent plus... C'est ça la première idée qui me vient, qui ne subissent plus. Je reste dans cette question du travail vers laquelle nous a mené cette lecture. Je crois que oui, ce serait une société où les gens ont pu faire le choix du temps qu'ils consacrent à une activité professionnelle, mais aussi à d'autres activités, à être avec les enfants, à être dans le jardin, à pratiquer des arts, de la musique, du chant, du théâtre, tout ce qu'on veut, et qu'on ait la place pour cette créativité et du coup pour être ensemble. Ça demande un grand saut, hein, mais je crois que c'est ça que je vois de façon bien ambitieuse pour dans 10 ans. Donc c'est ce que tu vois même actuellement. Nous sommes encore une fois en 2030 glorieuse. Nous sommes dans un monde où les gens ont réussi à sortir de ce pilote automatique un peu, où on survivait nos vies, où on les survolait même. Et c'est assez fantastique. On a réussi à se réapproprier notre choix. Choisir, c'est décider. Décider, c'est trancher, c'est aussi renoncer. Et en général, c'est quelque chose à faire en collectif. Donc nous sommes aujourd'hui aguerris aux méthodes de coopération. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit ? Ça veut dire qu'on est suffisamment au clair individuellement sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est en capacité de faire, le temps qu'on est prêt à donner, les compétences qu'on a pour aller vers l'autre et co-construire quelque chose. Et co-construire quelque chose de positif et de plus grand que soi, quelque chose qu'on ne serait pas capable de construire tout seul. Donc ça demande d'abord de la clarté au niveau personnel et ensuite une capacité à aller vers l'autre et à faire ensemble. Et ça, il y a mille manières de le faire et c'est à chacun, chacune de trouver sa manière de faire ensemble et de trouver sur quel sujet on a envie de s'impliquer. Donc je crois vraiment à ce double mouvement de réflexion personnelle et de connaissance de soi et de compétences collaboratives et de savoir-faire avec les autres. Et ce bilan personnel, il passe par des cours de méditation, par des expériences d'introspection, par des bilans de compétences, de talents, de qualités. À quoi ça ressemble ? Il y a tellement de manières, heureusement, que chacun peut y trouver son compte. En 2030, ce qui est différent aussi, c'est que les enfants ont été élevés différemment. Donc, cette habitude-là, elle est prise dès le plus jeune âge de se demander qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire, d'avoir pris l'habitude de cette liberté et d'avoir été écoutée très très tôt, je pense que ça change tout dans la posture d'adulte qu'on a ensuite. Donc les enfants de 2030, c'est pas les mêmes que ceux d'avant, et ils deviennent des adultes qui sont aussi capables de cette introspection, de cette connaissance de soi, pour aller vers l'autre avec plus de clarté, encore une fois, sur qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je demande à l'autre, qu'est-ce que je suis prêt à entendre aussi comme refus, comme nouvelle idée, comment est-ce que je ne m'accroche pas à mon idée, à mon intention, à moi, mais je suis prête à la laisser transformer par la rencontre. Voilà. Restons dans l'école, justement, parce que effectivement cette introspection, elle est nécessaire et elle peut en plus être sublimée en vivant la coopération. Et donc on est aujourd'hui avec des écoles en France où le système de notation a complètement changé, où le collectif a beaucoup plus de place, hein. Le collectif a plus de place, la nature aussi, la spontanéité, les arts, les sports aussi. Ça, c'est, moi, c'est pas vers ça que j'irai, mais il y a des enfants pour qui c'est important. Et donc, une diversité d'activités, en tout cas, et en lien avec les aspirations profondes, pour que chaque enfant puisse développer son potentiel et savoir ce qu'il aime et vers quoi il veut aller. Et accompagner, finalement, d'assez loin, je crois, par les adultes, parce qu'on les enfants, ils savent grandir, en fait, hein, ils savent ce dont ils ont besoin, ils savent apprendre, ils savent faire ensemble. Donc il y a juste à observer ça et à accompagner. Et l'expérimentation de la coopération, tu le dis, elle passe à l'école sur plein d'exercices qui sont aujourd'hui faits en groupe, et le collectif apprend à faire ensemble, ou s'ils se plantent ensemble. Et ça, il y a aussi cet apprentissage, hein, de l'erreur et de la progression par rapport à l'erreur. Tu l'as dit aussi, le sport, c'est un bel espace d'apprentissage de la coopération. Et si on veut gagner en équipe, en général, il faut dépasser la simple somme d'individualité. Et ça, c'est une vraie expérience. Et je pense que le sport, en plus, nous permet d'ancrer cet apprentissage dans le corps. Parce que là, on est en train de parler d'apprentissage assez subtil qui ne suffit pas d'intellectualiser. Et ça, on le voit beaucoup en formation avec les adultes. Le discours peut avoir très bien été compris par le cerveau, mais à un moment, si ça passe par le corps et si on vit des choses ensemble, qu'on en fait une expérience collective, ça s'inscrit plus profondément. Donc, je pense que c'est aussi ce qui se passe pour les enfants. Effectivement, vivre des échecs ensemble, voir comment on se relève, dépasser cet esprit de compétition, c'est essentiel. Et tu parlais de la nature aussi, qui était de plus en plus importante à l'école, notamment. Pourquoi ce lien plus fort avec la nature, il nous aide à améliorer notre capacité de coopération? D'abord dans l'observation, c'est-à-dire que si on observe la nature, on observe la coopération. Donc c'est aussi un très grand enseignement que de se rapprocher de la nature pour ce en quoi elle nous inspire. Et puis ensuite, parce que je pense que c'est un grand espace de ressourcement pour retrouver de l'énergie, pour se reconnecter au vivant. Et puis un espace de jeu formidable aussi pour faire ensemble, construire, explorer, voilà, un grand espace de liberté. Et puis au niveau plus macro, il y a eu un travail fantastique qui a été fait ces 10 dernières années, hein, avec le vivant dans sa globalité. L'être humain, pour reprendre la place dans la nature, a dû passer par toutes ces étapes de verbalisation, la fin de l'exploitation du vivant, pour la coopération avec le vivant. Et ça a dû passer par tout un tas d'écrits, de lois notamment, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on coopère avec les autres espèces animales. À quoi ça ressemble, ça? Tu peux nous le décrire? Tu peux nous donner à voir quelques exemples de coopération un peu plus forte? Alors, je crois que la première étape pour coopérer, c'est se connaître, faire cette phase d'interconnaissance. Et ça marche dans un groupe d'humains, mais ça marche aussi avec la nature. Et donc... Donc en 2030, ce qu'on a réappris, c'est aussi cette connaissance du vivant, cette connaissance des plantes, des animaux, qu'il y a d'abord dans mon jardin, mais ensuite un peu plus loin autour de moi. Et donc souvent, simplement en ayant cette première étape d'interconnaissance, et ben forcément, il y a un respect qui s'installe et puis une envie de coopérer et de faire ensemble. Donc tout simplement retrouver cet apprentissage de qu'est-ce qui m'entoure, comment ça s'appelle, comment ça fonctionne, ça me donne envie de faire avec. Et puis remettre la nature en ville, je pense notamment au fait de reboiser et de mettre beaucoup plus d'arbres dans les villes. C'est une coopération aussi intéressante pour la lutte contre le dérèglement climatique, la hausse des températures de plus en plus présente et forte en 2030. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Oui, et puis qui dit plus d'arbres en ville dit aussi un rééquilibrage avec d'autres choses. Moi, je nous vois en 2030 avec bien moins de voitures, bien moins de camions, d'avions, donc aussi un silence retrouvé et plus de place pour nos vélos, pour nos trottinettes, pour jouer dehors. Et donc c'est la place pour la nature, mais c'est aussi la place pour simplement être ensemble à l'extérieur sans ce bruit et sans ce danger. Qu'on avait encore en 2020. Et justement, être ensemble. En 2030, on se rend compte à quel point être ensemble, c'est vraiment un travail de tous les instants. Il y a 10 ans en arrière, tu t'en souviens peut-être, la coopération commençait à être pas à la mode, mais commençait à intéresser les Français. Et le fait de la considérer, de s'y former, a été une vraie opportunité d'arriver à gérer la crise aussi, hein, parce que tout n'est pas rose en 2030. La pression climatique, elle est grandissante. J'en parlais, il y a de plus en plus de mouvements migratoires. Pourquoi cette formation à la coopération, c'est stratégiquement le plus important pour nous aider à gérer toutes ces crises qu'on a déjà dépassées et qu'on va devoir affronter dans les prochaines années à venir? Je crois que c'est stratégique à deux niveaux. D'abord, ça nous est vital pour pas se sentir submergé par ces crises et pas rester dans cette angoisse de ces énormes crises face auxquelles individuellement on ne peut rien. Donc d'abord, c'est une manière de se rassurer que de se serrer les coudes et de faire ensemble. Et puis ensuite, c'est tout simplement beaucoup plus efficace. Voilà, on sait qu'on va plus loin en mettant nos intelligences ensemble au service d'un même objectif. Donc ça, il a fallu apprendre à le faire. Il a fallu diversifier aussi. Ça veut pas dire une uniformité. La coopération, en fait, c'est un seul mot, mais derrière se cachent mille et une pratiques et voilà, mille et un collectifs avec des fonctionnements différents, avec des objets différents. Donc c'est aussi une invention et une créativité permanente. Parce que ces crises, elles sont tellement complexes, elles sont tellement systémiques qu'on a besoin d'être créatif pour inventer autre chose. Tu parlais de richesse tout à l'heure. J'ai l'impression que la coopération, elle nous a aidé à aussi définir d'autres manières d'envisager la richesse et donc d'arriver à valoriser autrement la solidarité, la culture, la citoyenneté, l'engagement même politique. Pourquoi et comment? Et donc du coup, cette relation au temps que tu commençais à évoquer avec la lecture nous donne quelle vie en 2030 glorieuse? Comment en fait cette coopération était le moteur de la redéfinition complète de notre vie? En fait, parler d'un changement de la relation au temps, c'est indirectement parler d'un changement de la relation à l'argent, parce que forcément ça vient questionner ce principe-là. Quel temps je consacre à mon travail, parce que quelle place je consacre à l'argent dans ma vie et aux richesses matérielles. Donc en 2030, oui, la richesse est vue différemment. Il y a la richesse matérielle qui est à la fois ce que je possède mais aussi ce qu'on possède ensemble, c'est-à-dire une meilleure conscience des infrastructures qui sont collectives, alors soit publiques, soit gérées comme des communs par des communautés, mais en tout cas avoir conscience aussi que la richesse, c'est pas seulement ce sur quoi il y a écrit mon nom à moi, mais aussi ce qui nous appartient collectivement. Et puis des richesses plus abstraites, et donc une valorisation des productions intellectuelles, des relations de coopération et évidemment des productions artistiques. Toi, Louise, qu'est-ce que tu fais en 2030 glorieuse? J'ai peut-être dans un cheminement personnel, justement, laissé plus de place aux pratiques artistiques et adapté ma pratique professionnelle de formation à la coopération qui est peut-être moins nécessaire. Avec une palette d'outils plus large et comme je le disais aussi, qui vient aussi s'ancrer dans le corps ou en tout cas à d'autres niveaux que simplement l'intellect auquel on s'adresse forcément plus spontanément. Donc en 2030, je continue à travailler ces questions de coopération qui sont infinie et passionnante, mais d'une autre manière et avec des gens qui arrivent avec d'autres demandes, peut-être plus de prise de recul sur une posture et une pratique qu'ils ont déjà, plutôt qu'un apprentissage des bases. La route, elle est encore très longue avant 2030 glorieuse, Louise, et cet exercice que nous avons fait ensemble, voilà, il tente de proposer un cap. Et ce cap, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, et même pour nous, hein, il va vite être rattrapé par le quotidien, qui peut parfois, à cause de tous ces obstacles, de toutes ces tâches, il peut être parfois un peu source d'inaction. Du coup, ma dernière question, c'est quel est le premier pas que tu suggérerais à celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont envie de marcher vers ces utopies réalistes, vers ces 2030 glorieuses où la coopération est devenue évidente ? Bah, d'abord, je crois que en tout cas, moi, ce qui me tient dans cette utopie et dans cette vision de futur désirable, c'est la relation aux enfants et de regarder au quotidien comment j'agis avec mes enfants pour construire ce monde-là. Donc, je trouve que ça, c'est une aide très, très concrète d'avoir ce rappel quotidien de cet espace d'action et d'éducation qu'on peut avoir. Et ensuite, les autres petits pas, je crois que c'est peut-être tout simplement de prendre du temps de recul. En fait, c'est ça qu'on a le plus de mal à faire, hein, c'est de prendre du temps. Donc, simplement s'accorder des temps pour observer comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, est-ce que ça nous convient ou pas, et comment est-ce que je peux apprendre à être mieux en relation avec les autres, voilà, plus dans le partage et dans la co-construction. Et ça, ça passe pour chacun, chacune par des chemins différents. Ça peut être de formaliser les choses par de la formation ou de l'accompagnement, mais aussi tout simplement par des lectures, par de l'observation, par des discussions entre collègues, échanger avec d'autres et peut-être en admettant un peu plus ce qui nous met en difficulté, ce qui nous fait souffrir. Voilà, on est dans cette crise sanitaire compliquée où je trouve qu'il est bon d'admettre ce que ça nous renvoie aussi de notre propre société, de notre propre fonctionnement, et d'oser en parler avec les autres. Je pense que le premier pas, il est souvent là. Il est d'oser discuter avec d'autres de ce qui nous arrive. Pendant la formation, Romain, avec qui tu co-animais la formation à la coopération, nous parlait souvent des expériences irréversibles de coopération. Est-ce que tu en as une à nous suggérer à vivre dans les prochains jours avec notre entourage ? Ça, effectivement, c'est un concept qui m'est cher parce que cette petite expérience irréversible de coopération, c'est comment, une fois que j'ai vécu quelque chose de fort dans un collectif, je peux plus m'en passer, je suis accro, et la prochaine fois que je suis dans un collectif et que le niveau de coopération est moins satisfaisant, j'aurais envie d'aller plus loin et de proposer autre chose. Peut-être que l'expérience irréversible de coopération la plus simple à mettre en œuvre, c'est dans les nombreuses visioconférences qu'on est obligé de vivre aujourd'hui, toutes ces réunions à distance. Je pense que ça peut générer beaucoup de souffrance et en même temps, pour certains collectifs, c'est des moments très joyeux et très productifs. Donc, expérimenter dans ces temps de visioconférence de la convivialité et des méthodes d'animation pour pas simplement s'appeler et dérouler un ordre du jour, mais réfléchir à comment est-ce que je veux animer cette réunion, avec quelle intention j'y arrive, quel objectif je me donne, quel timing aussi pour respecter le temps disponible des gens qui sont là, et puis quel petit jeu plus ou moins stupide, mais en tout cas qui fera rire et qui connectera les gens, on peut faire pour que voilà, pour que le courant passe, et en début et en fin de réunion, pour qu'on soit vraiment ensemble, quoi, malgré la distance, malgré l'outil numérique qui fait écran. Merci Louise. Merci Julien. Ça y est, cet échange avec Louise est terminé. Je suis tellement content d'avoir pu vous permettre de rencontrer Louise et surtout de découvrir ce métier de formatrice en coopération qui me semble tellement nécessaire. Mais vous pouvez pas imaginer, j'ai été tellement frustré ces dernières années de voir à quel point il y avait des gens qui étaient là bien intentionnés, qui avaient envie de faire des choses, de changer le monde et qui n'avaient pas les outils en fait pour le faire et qui n'arrivaient pas à travailler ensemble et qui parfois n'arrivaient pas à mettre leur ego en retrait et on se retrouve avec des frustrations, avec du temps perdu et avec tellement de regrets. En tout cas, moi j'ai vraiment voulu faire ce travail personnel d'aller et de m'outiller toujours plus à ces questions de coopération, même si en fait je me rends compte que mes dernières expériences professionnelles m'ont permis de me former et de vivre cette coopération et ce travail en équipe qui est en fait la clé de tout. Je pense sincèrement que les caps qu'on est en train de dessiner, ils sont hyper importants, mais que en fait il y aura aussi la question de la forme, et de la forme c'est le faire ensemble, c'est la solidarité, c'est la redéfinition de la richesse, de la valorisation de la différence comme une, ouais, comme une de nos forces, et même comme peut-être la force qui nous permettra de vivre toutes les crises qui sont à venir, non pas comme une immense frustration et comme un fardeau qui va nous écraser, mais au contraire comme une occasion toujours plus de recréer du lien, de resserrer ces liens et de faire de nos villes un maillage palpitant, un cœur battant qui va nous faire nous sentir vivants et qui va nous faire sublimer chacune des journées qui s'offrent à nous. Voilà, encore une nouvelle rencontre passionnante. Il y en a plein d'autres à venir. J'ai hâte de vous faire écouter les prochains podcasts. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !